Bonjour. En ce moment, il y a des petites choses qui sortent et qui font grand bruit. Bon, ça dépend dans quel milieu on est. Mais en ce moment, il y a des choses qui font grand bruit ou ça dépend les choses auxquelles vous vous intéressez. Puis bon, là, il y a une mode depuis un bout de temps qui s'appelle l'urbex, l'exploration urbaine. Bon, c'est pas vraiment une mode qui m'intéresse, mais par rapport à des informations des fois qui sortent puis qui sont données par d'autres personnes qui font partie d'autres milieux, des fois, bon, je savais c'était quoi l'urbex, mais là, il sort des choses. C'est-à-dire que il y a un homme puis deux de ses amis qui sont allés faire de l'exploration urbaine dans une demeure abandonnée. C'est ça l'exploration urbaine. Des fois, ça peut être des usines désaffectées, des choses comme ça. Puis là, c'était la maison qui a appartenu à une bonne maison. On pourrait même parler, on peut parler jusqu'à un certain, on peut parler d'un château, là, parce que les soubassements qu'on voit, l'architecture des soubassements avec des arcs brisés, des clés de voûte, c'est très ancien cet endroit-là. C'est un endroit qui appartenait à un chirurgien réanimateur, franc-maçon. Puis déjà là, je trouve ça curieux. La France est réellement en train de devenir, semble-t-il, un pays quasiment comme en Europe de l'Est, là, parce que c'est surprenant qu'un simple chirurgien réanimateur ait pu acheter un bâtiment pareil. Et ici, un bâtiment qui aurait des soubassements comme ça, là, faudrait être multimillionnaire pour acheter ça. Même délabré, même en ruine. En tout cas. Là, ce qui fait grand bruit, c'est quoi? C'est que, bon, ben, ce chirurgien réanimateur-là était un franc-maçon. Puis, les gens qui faisaient de l'exploration urbaine dans cette demeure-là abandonnée sont allés dans le soubassement et il y avait la présence, entre autres, de crânes humains, notamment, là, une espèce d'auge qui servait de sueur. Il y avait trois mandibules dedans. Il y a un des crânes que j'observais, là, j'ai fait arrêt sur image, j'observais. C'est possiblement quelqu'un d'assez jeune, étant donné que les dents de sagesse sont encore à l'intérieur de l'os de la gencive. Bon. Par rapport à tout ça, moi, ce que j'ai vu par rapport, comme le site du docteur Laibie, c'est là, moi, que j'ai vu ça. Le docteur Laibie, lui, dit c'est du pur satanisme puis de la sorcellerie. Pourquoi? Ben, parce que, entre autres, dans le bâtiment, on voit des lambeaux de chair qui ont été découpés de très curieuses façons, puis séchés. On voit notamment un endroit où il y a les colonnes Joachim et Boaz, le damier, un cercle qui est un mélange possiblement de soufre, de cendre et de sel par terre. Ce sont des choses, bon, on reconnaît un petit peu là, certaines choses, donc on peut se douter. Aussi certains textes trouvés sur place où il est question d'alchimie. Là où je dis d'être prudent par rapport à des affirmations, par rapport à des choses comme ça, comme de dire c'est du pur satanisme, c'est de la pure sorcellerie, rappelons-nous le médecin italien Baronio Vincenzi qui était fatigué de voir souffrir ses patients, qui voulait à tout prix alléger leurs souffrances et qui finalement a fait quelque chose qui était interdit à son époque par les autorités religieuses, c'est-à-dire il s'est adonné à des autopsies. Et par après, il a été, quand ça s'est su, il a été immédiatement accusé de sorcellerie. Pas de satanisme, le terme n'existait pas vraiment à l'époque, mais il a été accusé de sorcellerie, de magie noire, de s'adonner à des sciences interdites, ou on peut dire diaboliques. Or, l'enfer est pavé de bonnes intentions et ce médecin-là voulait simplement soigner ses patients, trouver une façon d'alléger leurs souffrances et de rallonger leur vie. C'est pour ça qu'il s'est donné à des autopsies. Donc, dans le cas où on parle d'un chirurgien réanimateur, franc-maçonneux, donc un égaré, si on peut dire, qui s'adonne aux sciences abstraites parce qu'il pense trouver quelque chose là-dedans. Or, si vous cherchez, c'est que vous n'avez pas la capacité de trouver quelque part, possiblement que c'était un homme qui était peut-être bien intentionné et qui voulait tout simplement rallonger la vie de ses patients et les soigner à l'aide de ce qu'on a appelé la pierre philosophale, qui est une chose, bon, c'est un petit peu comme ceux qui ont gaspillé leur vie et leur argent à chercher le Saint Graal, et quelque chose qui n'est pas compris là. Puis ça montre à quel point les initiés de la connaissance sont égarés. Là, l'affaire, c'est que C'est carrément illégal, là, en France, de posséder des ossements humains, à moins d'être un institut d'ostéologie, là, ou une académie de médecine. Vous n'êtes pas supposé avoir dans un lieu privé, des ossements. Au Canada, vous pouvez acheter des ossements. Il y a un gars à Calgary qui vend des crânes humains. Mais ce sont des pièces d'ostéologie, puis bon. C'est assez cher, là. C'est pas n'importe qui peut aller s'acheter un squelette complet, là. Mais déjà là, est-ce que c'est de la sorcellerie? Pas mal. Oui, parce qu'il y a des éléments mystiques mêlés à travers ça. Puis le texte là, que l'homme lisait, là, qu'on y avait des notions d'alchimie dedans, mais pas de l'alchimie. On pourrait appeler le mysticisme là, alchimique. On voit l'inscription vitriol, bien connue, inscrite un peu partout. Puis bon. L'endroit où il y avait les colonnes Jakim et Boaz, puis ça a dû servir ça à initier des gens qui changeaient, qui passaient d'un grade à l'autre, probablement. L'affaire où je dis de faire attention, c'est là où le docteur Leiby, qui est quand même un homme religieux, puis ça paraît, dans le sens que tout de suite sauter, ah, c'est du pur satanisme. Là, pur, est-ce que ces gens-là sont conscients que la quête dans laquelle ils se lancent est un égarement? Ça, je suis pas certain. Je n'en suis pas certain. Ils y croient, hein? Ils ne mettent pas autant d'énergie et d'argent pour rien. Donc, c'est de l'égarement, oui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a derrière ça une influence, entre guillemets, satanique? Oui. Mais de là à dire que c'est du pur satanisme, puis que c'est par un culte envers Satan que tout ça a été fait, ça, j'y crois pas du tout. Je pense que comme Baronio Vincenzi, qui en son temps était accusé de sorcellerie parce qu'il voulait soigner ses malades, je pense qu'on a tout simplement affaire à un égaré, comme le sont à mes yeux tous les initiés de la connaissance, un égaré qui recherchait la pierre philosophale, possiblement, vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions, possiblement dans le but de rallonger la vie et soigner ses patients, c'est tout. Puis bon, l'égarement, la quête initiatique, c'est comme s'enfoncer de plus en plus. Les gens qui ont été dans l'ésotérisme toute leur vie, dans des sociétés initiatiques toute leur vie, on voit, ils s'enfoncent, puis ils s'enfoncent, puis ils s'enfoncent dans leur folie, puis finalement, ils trouvent rien. Pourquoi ils trouvent rien? Parce que c'est pas parce que vous cherchez que vous trouverez. Pas nécessairement. Celui qui veut devenir immortel est déjà mort. Hein? Bon. Là, il y a la chaîne en toute franchise avec Madame Paul. J'ai envie de dire mademoiselle parce que d'après moi, elle n'est pas mariée. Mais bon, c'est plus très usité de nos jours là, de faire la différence. Donc, ben, on va l'appeler Madame, par respect. Donc, Madame Paul. La chaîne en toute franchise où elle reçoit ce que moi j'appelle un maçonneux. Je serais curieux de savoir ce qu'il en pense, lui, de ça. Est-ce que c'est normal que des gens enfreignent les lois de leur pays pour s'adonner à des recherches en secret, à des initiations dans des sous-bassements? Qui faisait ça? Des cercles dans des sous-bassements, dans des sous-sols, dans des caves? Ben, c'est les Goétiens qui faisaient ça. Voyons. Bon, le cercle qu'on voit dans la vidéo de l'Urbex, c'est possiblement un mélange de sel, de cendre et de soufre. C'est pas fait avec du charbon comme bon. Donc, on va dire de la goissante guillemets, mais il reste que c'est ça que ça sent. C'est ça que ça sent. Je pense que c'est de l'égarement. Puis, je serais curieux, moi, vous en dites quoi, vous autres, les maçonneux, de ces découvertes-là? Oh, le grand public ne peut pas comprendre. Moi, je vous dis, c'est de l'égarement total. Vous vous souvenez, cet homme qui il avait relu, ben relu, une façon de parler, Basil Valentin, des choses comme ça, puis que il en avait déduit, lui et certains autres maçonneux, il en avait déduit que au niveau de l'alchimie puis de la transmutation, il réussirait peut-être à transmuter son corps en buvant sa propre urine. Puis ils se sont enfermés dans les sous-bassements d'une loge, là, d'un temple. Je n'ai pas envie d'appeler ça un temple, là, parce que des temples, il y en a eu juste deux. À date, là. Peut-être qu'un troisième s'en vient, mais en attendant, ces loges-là, ce n'est pas des temples. D'accord? Donc, ils se sont enfermés dans les sous-sols, puis le gars s'est fait mettre dans une espèce de cellule où j'imagine que ses compagnons lui parlaient, le surveillaient par une espèce de passe-plat, ou je sais pas trop. Puis il s'est mis à boire son urine, puis comme ça. Ah, puis en plus, au début, possiblement par autosuggestion, par auto-mesmérisation, si on peut dire. Au début, il sentait vraiment qu'il se transmettait. Puis finalement, savez-vous qu'est-ce que ça a donné, ça? À quoi ça aboutit? Ben, le gars est mort. C'est tout à fait contre nature que de boire son urine comme seule nourriture pendant des jours. C'est complètement stupide. C'est de l'égarement. Les initiés de la connaissance, c'est à ça que ça aboutit. C'est ça de la fascination. C'est ça de l'auto. Ils s'auto-envoûtent là, avec des vieilles formes. Des vieilles choses qu'ils interprètent littéralement parfois. Bon, c'est pas tout le monde qui connaît un petit peu certaines techniques de cryptographie, puis qui peuvent se rendre compte que certains textes ne parlent pas de ce qu'ils ont l'air de parler à la base, pas du tout même, parfois. Bon, des fois, il faut avoir des notions, entre autres, de... Bon, ça devient complexe, là, réellement. Quand un texte a été écrit par quelqu'un qui connaît très bien la cryptographie, puis bon, ça devient difficile, là. Puis au cours des siècles, ben, il y a des mésinterprétations, puis l'égarement grandit. Moi, je considère ça comme de l'égarement. C'est dégueulasse. Mais là, est-ce que c'est des gens mal intentionnés? Pas nécessairement. C'est pour ça que je suis pas prêt à dire, comme le docteur Leiby, que c'est du satanisme pur. Non, je pense plus que c'est comme beaucoup de gens bien, qui ont des bonnes intentions, qui s'égarent dans l'ésotérisme, qui s'égarent dans ce qu'on pourrait appeler les sciences abstraites, et qui finissent finalement par être complètement dénaturés, avoir une vision du monde totalement dénaturée, et ils finissent par avoir des agissements totalement contre nature, totalement ridicules, totalement stupide. C'est totalement stupide que de s'enfermer dans des sous-bassements comme ça puis d'essayer de trouver la pierre philosophale. Je veux dire, moi, à mes yeux, c'est ridicule. Totalement ridicule. Souvenez-vous, là, l'espèce de conjoint que Dalida avait eu qui prétendait être le comte de Saint-Germain puis qui a fini par se mettre une balle dans la tête. Celui qui veut s'immortaliser est déjà mort. Un peu comme les Tang qui buvaient du vin dans des cérémonies puis qui, au fond, ingéraient de l'oxyde de cuivre. Ou les Romains, les Romaines qui se mettaient du plomb dans le visage pour se rajeunir. Ça, on aboutit à des conneries. À de la connerie, c'est de la connerie pure, là. Mais je serais curieux de savoir, les maçonneux, là, vous pensez quoi de ça? Est-ce que ça vous emplit d'un sentiment de fierté quand des choses comme ça sortent? Ça, c'est une petite chose. C'est incroyable jusqu'où peut aller l'égarement lié à la fascination de la connaissance, parce que ces choses-là, c'est de la connaissance. Celui qui cherche, il comprend pas le principe du savoir, il est dans la connaissance. Le principe du savoir, vous trouvez sans chercher. Puis quelqu'un qui comprend certaines choses va pas chercher à immortaliser. Voyons, là. Complètement ridicule. Ça dure un clignement d'œil, une vie humaine à l'échelle de l'univers, puis on commencera pas à vouloir devenir immortel. C'est contre nature. Moi, à mes yeux, c'est contre nature. Il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas. C'est là, on peut dire, en tout cas, c'est luciférien, un petit peu. Mais je pense que ce chirurgien réanimateur-là cherchait la pierre philosophale parce qu'il voulait soigner et rallonger la vie de ses patients. Il ne l'a pas trouvé, bien évidemment. Bien évidemment. Comme ceux qui cherchent le Graal, ils ne peuvent pas le trouver non plus. Ils ont une interprétation trop littérale des choses. Puis c'est là qu'il y a l'égarement qui sert de filtre, qui sert de tri. Moi, je trouve ça quand même obscène. C'est très obscène. Puis d'ailleurs, j'y crois totalement à cette histoire d'Urbex-là. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que les autorités ont ouvert une enquête. Donc, puis là, même, il lisait des textes qu'il y avait sur place, des textes manuscrits, ça parle de la pierre philosophale, puis l'adepte dans sa quête initiatique, puis bon, c'est à ça que ça amène, l'ésotérisme, souvent. Je parle, si c'est, en tout cas, je vais faire attention à ce que je dis, là, Mais c'est ridicule. C'est épouvantable que des gens aient consacré autant d'énergie, autant de temps à de l'égarement. C'est de l'égarement. Ça ne veut pas dire que ces gens-là étaient mal intentionnés. C'est pour ça que le docteur Leiby qui déclare c'est du satanisme pur. Il y aurait peut-être des petites nuances à apporter. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a affaire à de l'égarement, à des égarés. Puis, moi, bon. Hein? Bon, ben là, je pense que j'en ai assez dit. Mais cette affaire-là, oui, c'est quelque peu troublant. Mais les gens ont été conditionnés par le cinéma à voir certaines choses et de les interpréter immédiatement d'une certaine façon, alors que tout n'est pas si simple. Donc, faire attention aussi aux conclusions hâtives. Les gens qui étudient ces choses-là ne sont pas nécessairement mauvais, mais ils sont souvent dans l'auto-fascination, dans l'auto-mesmérisation, dans l'auto, je dirais, l'auto-suggestion même. Comme le gars qui buvait son urine, puis les premiers jours, il pensait qu'il était en train de transmuter, puis il sentait des choses extraordinaires. Il sentait que son urine changeait de couleur. Ben oui, possiblement qu'à un moment donné, ça a changé de couleur parce qu'il y avait du sang dedans à cause de lésions internes. Puis bon, puis là, il trouvait que ça prenait un parfum de fleurs. Et puis bon, au niveau de la fonction psychologique d'une rationalisation puis de suggestion, il arrive parfois qu'on se leurre parce que ça fait notre affaire. Puis ça mène où ça? Au désir de la mort, mais inconscient. Ceux qui veulent s'immortaliser, au fond, vont vers la mort plus vite. Ça a toujours été comme ça. Donc, bon, des gens qui s'accoutrent d'une façon ridicule pour s'initier entre eux, dans deux mois, ça m'a tout le temps pué au nez, dans le sens que ça fait partie de la puérilité de l'humanité, ça fait partie de la connaissance, donc des handicaps de la subjectivité, de l'intersubjectivité collective. Puis ça aboutit à des aberrations. C'est aberrant. C'est aberrant. Je serais bien curieux de savoir le maçonneux à Madame Paul ce qu'il en pense de tout ça. Y en a-t-il un qui a déjà trouvé la pierre philosophale? C'est pas bon. J'ai de bon. Attention, attention. Personnellement, jamais je me lancerai dans une quête pareille. Bonne journée.